un homme d'esprit. Aucun argument ne vaut pour détruire l'empire de 10 années de rêverie agréable. Le marquis ne trouvait pas raisonnable de se fâcher, mais ne pouvait se résoudre à pardonner. Un mois se passa ainsi sans que la négociation fît un pas. Madame de La Mole et toute la maison croyaient que Julien voyageait en province pour l'administration des terres. Il était caché au presbytère de l'abbé Pirard et voyait Mathilde presque tous les jours. Elle, chaque matin, allait passer 1 heure avec son père, mais quelquefois ils étaient des semaines entières sans parler de l'affaire qui occupait toutes leurs pensées. « Je ne veux pas savoir où est cet homme, » lui dit un jour le marquis. « Envoyez-lui cette lettre. » Mathilde lut. Les terres de Languedoc rendent 20 600 francs. Je donne 10 600 francs à ma fille et 10 000 francs à M. Julien Sorel. Je donne les terres même, bien entendu. Après quoi, plus de relations entre nous. Ah, monsieur, devais-je m'attendre à tout ceci? Le marquis de La Mole. Cette donation surprit extrêmement Julien. Il n'était plus l'homme sévère et froid que nous avons connu. La destinée de son fils absorbait d'avance toutes ses pensées. Pour Mathilde, tous ses sentiments étaient absorbés dans son adoration de Julien. Sa grande, son unique ambition, était de faire reconnaître son mariage. Elle passait sa vie à s'exagérer la haute prudence qu'elle avait montrée en liant son sort à celui d'un homme supérieur. Le mérite personnel était à la mode dans sa tête. Mathilde finit par s'impatienter de voir si peu l'homme qu'elle était parvenue à aimer réellement. Dans un moment d'humeur, elle écrivit à son père et commença sa lettre comme Othello. Que j'ai préféré Julien aux agréments que la société offrait à la fille de M. le marquis de La Mole, mon choix le prouve assez. Voici bientôt 6 semaines que je vis séparée de mon mari. C'est assez pour vous témoigner mon respect. Avant jeudi prochain, je quitterai la maison paternelle. Personne ne connaît mon secret que le respectable abbé Pirard. J'irai chez lui. Il nous mariera. Et 1 heure après la cérémonie, nous serons en route pour le Languedoc et ne reparaîtrons jamais à Paris que d'après vos ordres. Je vous en conjure à genoux, ô mon père. Venez assister à mon mariage dans l'église de M. Pirard jeudi prochain. Le piquant de l'anecdote maligne sera adouci, et la vie de votre fille unique, celle de mon mari, seront assurées. L'âme du marquis fut jetée par cette lettre dans un étrange embarras. Pendant les 6 semaines qui venaient de s'écouler, tantôt poussé par un caprice, le marquis avait voulu enrichir Julien. La pauvreté lui semblait ignoble, déshonorante pour lui, M. de La Mole, impossible chez l'époux de sa fille. Il jetait l'argent. Le lendemain, son imagination prenait un autre cours. Il lui semblait que Julien allait entendre le langage muet de cette générosité d'argent, changer de nom, s'exiler en Amérique, écrire à Mathilde qu'il était mort pour elle. M. de La Mole supposait cette lettre écrite. Il suivait son effet sur le caractère de sa fille. Le jour où il fut tiré de ses songes, si jeune, par la lettre réelle de Mathilde, après avoir pensé longtemps à tuer Julien ou à le faire disparaître, il rêvait à lui bâtir une brillante fortune. L'on ne peut refuser à Julien une singulière aptitude aux affaires, de la hardiesse, peut-être même du brillant, se disait le marquis. Mais au fond de ce caractère, je trouve quelque chose d'effrayant. Non, il n'a pas le génie adroit et côteleux d'un procureur qui ne perd ni une minute ni une opportunité. D'un autre côté, je lui vois les maximes les plus antigénéreuses. Je m'y perds. Du reste, une chose surnage. Il est impatient du mépris, je le tiens par là. Pressé par la lettre de sa fille, M. de La Mole vit la nécessité de se décider. Enfin, voici la grande question. L'audace de Julien est-elle allée jusqu'à entreprendre de faire la cour à ma fille, parce qu'il sait que je l'aime avant tout et que j'ai 100 000 écus de rente? Y a-t-il eu amour véritable, imprévu, ou bien désir vulgaire de s'élever à une belle position? Mathilde est clairvoyante, elle a senti d'abord que ce soupçon peut le perdre auprès de moi, de là cet aveu. C'est elle qui s'est avisée de l'aimer la première. qui s'excuse s'accuse. Je me défie de Mathilde. » Cependant, l'habitude l'emporta. Il résolut de gagner du temps et d'écrire à sa fille, car on s'écrivait d'un côté de l'hôtel à l'autre. Monsieur de La Mole n'osait discuter avec Mathilde et lui tenir tête. Il avait peur de tout finir par une concession subite. Lettre. Gardez-vous de faire de nouvelles folies. Voici un brevet de lieutenant de hussard pour monsieur le chevalier Julien Sorel de Lavernay. Qu'il parte dans 24 heures pour se faire recevoir à Strasbourg où est son régiment. Voici un mandat sur mon banquier, qu'on m'obéisse. L'amour et la joie de Mathilde n'eurent plus de bornes. Elle voulut profiter de la victoire et répondit à l'instant « Monsieur de Lavernay serait à vos pieds éperdu de reconnaissance s'il savait tout ce que vous daignez faire pour lui. Mais au milieu de cette générosité, mon père m'a oublié. L'honneur de votre fille est en danger. Je n'enverrai le brevet à Monsieur de Lavernay que si vous me donnez votre parole que dans le courant du mois prochain, mon mariage sera célébré en public à Villequier. Que je vous remercie, mon cher papa, de m'avoir sauvé de ce nom de Sorel, etc., etc. » La réponse fut imprévue. « Obéissez ou je me rétracte de tout. Tremblez, jeune imprudente. Je ne sais pas encore ce que c'est que votre Julien. Qu'il parte pour Strasbourg et songe à marcher droit. Je ferai connaître mes volontés d'ici à 15 jours. » Cette réponse, si ferme, étonna Mathilde. L'esprit de mon Julien n'a pas revêtu le petit uniforme mesquin des salons, et mon père ne croit pas à sa supériorité, précisément à cause de ce qu'il approuve. Elle se décida à obéir, mais se garda de communiquer la lettre de son père à Julien. Ce caractère farouche eût pu être porté à quelque folie. Le soir, lorsqu'elle apprit à Julien qu'il était lieutenant de hussards, sa joie fut sans bornes. On peut se la figurer par l'ambition de toute sa vie et par la passion qu'il avait maintenant pour son fils. Le changement de nom le frappait d'étonnement. « Après tout, pensait-il, mon roman est fini, et à moi seul tout le mérite. J'ai su me faire aimer de ce monstre d'orgueil, ajoutait-il en regardant Mathilde. Son père ne peut vivre sans elle, et elle sans moi. »